aucun développement économique qui va se faire sans que les communautés autochtones y soient impliquées. Et ça, si les gouvernements n'ont pas compris ça, ils risquent d'avoir un réveil très brutal.